Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone d'Annie Veillot. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional en parlant d'abord de Pierre-Alexandre Bédard. Pierre-Alexandre Bédard qui était hier à Ottawa où il a complété son tournoi professionnel. Et Pierre-Alexandre Bédard a terminé au 36e rang à plus 6. Néanmoins, il était quand même satisfait lorsqu'on l'a rejoint ce matin sur les ondes de danradiosport.com. C'est ça qu'on n'est pas habitué de voir chez les amateurs. Non, j'ai été, je suis pas déçu, j'aurais aimé faire un top 20. J'ai fini 36e au total, là, pour le Canadien. Il y avait 260 golfeurs. Okay. C'est sûr que, j'aurais aimé ça, peut-être faire un top 20, mais non, j'ai vraiment bien frappé la balle pour ce côté-là. Je suis vraiment, vraiment très satisfait. Mon niveau de jeu, est vraiment de calibre, là, avec les meilleurs amateurs, les meilleurs amateurs qui étaient là, même, je dirais, dans le top 200 au monde, là, mon calibre de jeu est vraiment rendu assez élevé. Okay. Niveau short game, c'est plus ce point-là que je vais devoir travailler encore là, dans les prochaines semaines si je veux faire les bonnes performances là, dans mes débuts professionnels. Alexandre Bédard confirme que le calibre était très élevé. Effectivement, il y avait une cinquantaine de gens qui venaient d'autres pays. Il y avait à peu près une quinzaine de pays qui étaient représentés, dont les États-Unis, l'Australie. Il y avait des Européens qui étaient là aussi, Chinois. Il y avait vraiment des bons joueurs de golf. Il y avait plusieurs joueurs qui avaient évolué sur la PGA aussi, là, entre autres Jared Dutoit qui avait joué à l'RBC Canadian Open là, en fin juillet à Toronto, qui avait très bien performé. Il était là cette semaine. Un design qui a joué US Open aux alentours de 14-15 ans. Il y avait vraiment des bons joueurs. Puis c'est pour ça que c'était un bel endroit pour moi aussi de constater mon niveau de jeu par rapport à eux. Puis je pense que là, présentement, là, c'est le temps pour moi de passer à autre chose puis de me concentrer là, davantage sur mon golf. Et Pierre-Alexandre Bédard nous parle de son passage chez les pros. Ça, c'est un peu plus dur financièrement. Mais non, côté professionnel, c'est sûr, on peut gagner des bourses. Donc, c'est quelque chose qui devient attirant, puis le fun en même temps. Quand c'est quelque chose qu'on est capable de gérer comme il faut, puis de pas se stresser avec ça, ben c'est sûr, ça rajoute du piant, puis ça rajoute du fun à la game de golf. OK. Donc, c'est la Coupe Canada que tu commences ton premier tournoi à la Coupe Canada. On est en pleine demi-finale de la Ligue de balle-molle de Robertval. Et dans le premier match hier, à noter que grâce à une victoire de 6-5 contre le Perron Megavac, le Zodiac s'est classé pour la grande finale. Et dans l'autre demi-finale, dans la Ligue de balle-molle de Robertval, le Saint-Hubert a gagné 12-11 contre le RD Trophée. Et dans le deuxième match, le RD Trophée a gagné le deuxième match 15-6. Donc le prochain match aura lieu mardi soir à 19h. Et le hockey mineur de Saint-Félicien désire avertir la population qu'il y aura un pré-camp pour les Bulldogs Pee-Wee 2B. Ça va se tenir du 16 au 18 août au centre récréatif Marianne Saint-Gelin. Donc, à noter qu'il en coûte 10$ pour s'inscrire pour ce pré-camp et c'est payé en argent. Aucun chèque ne sera accepté. J'invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entendu d'abord avec le directeur général du club de golf de Chibougamau, Michel Lallemand, le président du club de golf de Saint-Prime, Rémi Curtness, vient nous parler également des activités au club de golf de l'endroit. Le sport local et régional, à danradiosport.com, on s'en occupe.